Thierry, ils se font tuer par Maul, donc il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi, mais moi, celui qui me hype le plus, c'est Owen. Mais moi aussi. Mais alors, parce qu'en même temps, l'acteur, il est fou, oh là là. Oh, il me fait du en sale. En plus, j'ai vu Green Knight, je l'ai vu embrasser. Comment il s'appelle Dev Patel, alors. Il est dans Green Knight. Ouais. Mais oui, mais c'est incroyable. Il est super dedans aussi. Vous êtes vraiment Orny on Main tout le temps, quoi. Non, mais Joel Edgerton, regarde. Bon, pour le coup, il joue un gros film. Juste pour le test, mais j'ai besoin que Maddy, elle parle. Vous avez que le zizi à la bouche, c'est sale. Ok, Maddy, si je vais t'augmenter un peu. Si c'est le zizi de Joel Edgerton, moi, ça me dérange pas. Hein. Ok, tu peux redire des choses, s'il te plaît, Maddy. Je sais pas, tu veux que je dise quoi? Mais c'est très bien, merci. Pour ça ou pas? Ça appartient à Disney, mais c'est pas du studio, tu vois. Vu que Pixar, ils se font tout le temps rejeter et tout leurs idées. Pourquoi ce serait différent avec Star Wars? Parce que Pixar, Pixar, à mon sens, c'est quand même... Tu vois, c'est Disney Pixar, c'est pas Pixar. Tu vois, c'est pas... Disney Lucasfilm, hein, mon chéri. Ouais, mais pour moi, il y a encore une... C'est Pixar et Disney, pour moi, c'est une entité, tu vois. C'est juste un studio qui bosse sur certains films, quoi. Mais à mon sens, c'est genre... c'est pas autant rapproché des deux, quoi. Je sais pas, peut-être t'as raison, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est des gros connards, hein, les dirigeants. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est notre devoir d'en parler, tu vois. Enfin, parce que clairement, on va se le dire tout de suite, hein. On sera les seuls en France à parler de ça. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mis un message par rapport au fait que je voulais faire un stream de charité là, et au lieu de marquer les autres podcasts francophones, j'avais marqué. Les pistes froid centristes. Non, je vais peut-être pas laisser ça. Je veux dire, parce que moi, ça me rend ouf qu'en France, allez, il y a combien de podcasts francophones à notre taille au plus grand? Ils sont quoi, 3, 4? Sur Star Wars? Ouais, sur Star Wars. Star Wars, 3 ou 4. Star Wars en direct. On doit être dans le top 5, je pense. Hein, oui, c'est sûr. Star Wars en direct, Outrider, Lucas Fille, qui d'autre? De gros, bah après, si on prend les chaînes YouTube, on descend beaucoup parce qu'il y a Absolute, ouais, mais c'est des connards, tu vois, mais pas spécialement en plus. Absolute, si, il avait pas un bail avec genre, non, je parle pas de lui, je pense à l'autre, Side Mall, demi Mall. Mais non, mais tu vois, mais après, les chaînes YouTube, c'est pas pareil, tu vois, c'est encore un autre. Ouais. C'est comme Captain Tabouret, là, tu vois, c'est pas pareil du tout ce qu'il fait. C'est vrai. On est tout. Il veut que j'aille m'asseoir sur lui. Non, parce que des connards qui parlent de des théories de Star Wars sur YouTube, c'est pas pareil que nous qui analysons les trucs symboliquement et métaphoriquement parlant, quoi. Entre parenthèses, la métaphore, c'est Jésus dans Bad Batch. Voilà, c'est... D'ailleurs, est-ce que c'est grave si je dis que j'ai très très hâte de revoir Bad Batch ou pas? J'aimais oui, bien. C'est grave. Ouais, on est d'accord. Hein. On est d'accord, c'est grave. Attends, t'as hâte de revoir la Bad Batch? Non, attends. Ce que je veux dire là, c'est que j'ai sans déconner passé un bon moment l'an dernier à animer ça. C'était drôle, tu vois. Moi, c'était ma petite pause. Ça demandait beaucoup de taf. Vraiment, moi, j'étais crevé de ouf tous les vendredis soirs. Mais c'était vraiment trop cool et j'adorais faire ça. Et ça me manque un peu. J'ai envie de... Alors bon, je veux dire, Bad Batch, tu m'aurais servi d'autres séries animées, j'aurais été encore plus content, tu vois. Mais bon, c'est Bad Batch, en l'occurrence, c'est pas ça me va. C'est chiant parce que c'est de la merde, mais... Mais sinon, tu fais des épisodes sur l'eau. Tu les... How low can you sink? Alors, fun fact, l'épisode sur l'eau, j'y ai pensé lors du dernier double épisode sur Kamino. Ah. Tu vois, comme ça, t'as l'envers un peu du décor. Mais à la base, ça vient de là. C'était déjà une idée de merde à l'époque. Hein. Niquez vos races. C'est une bonne idée. Oh, venez, on le fait là pour le 1er avril. On n'a rien de prévu. Allez, oh putain, j'avoue, c'est dans 2 semaines déjà. Tu prépares un petit truc? Ouais. Est-ce qu'on le fait en direct le premier? C'est un vendredi. Mais attends, on n'avait pas prévu un truc. Mais on avait prévu un truc. On en a parlé. On avait prévu un truc, mais j'ai oublié. Alors. Mais on en a parlé il y a à peine une semaine du 1er avril. Mais j'ai déjà oublié. Je cherchais nos discussions. Ah, c'est okay. Pas on faisait le truc des, on fait le truc des tier list des races dans Star Wars. Non, mais ça c'est le 19, ça c'est le 19 mars. Ah non, j'ai retrouvé, c'était des conneries, c'était le porn in universe. Oui. Ah, c'est mort. Ah, avec ce qui s'est passé ça, hier, ouais. Jamais on fait ça. Hein. C'est mort. Hein. Oh. Tu as tout gâché, putain de merde. Mais non, mais pour le moment, en tout cas, je suis pas chaud. On peut même plus rigoler de cul maintenant. Mais oh, si, il si. Y a la possibilité que l'autre arrive. La bite. Attends. Ouais. C'est ça le truc. Merci, Adrien. Tu vois, t'as pas parlé de cul, t'as parlé de bite. La bite. Attends, je vais mettre mes mèmes sur vocal privé. Il est presque 22h, on n'a même pas commencé. Ouais, ça veut dire on commence, on va faire pipi. Franchement, non. Va faire pipi maintenant. Et, non, bah non, j'ai pas autant envie de faire pipi, tu vois. Bah, force-toi. Bah, non, pire. Ok. Aïka. J'ai vu ce que t'as posté. Où ça? Dans le vocal privé. Par contre, tous les invités pourront voir hein, dans le vocal privé. Je supprimerai après, surtout que j'hésite à mettre le dernier que j'avais fait là, avec l'image incriminée. Oh, il était extraordinaire. Si tu le mets en... Putain. Mais en plus, il y a quelqu'un qui a réenchéri par-dessus. C'est pour ça que je suis en colère aussi. C'est que, genre, ils ont vraiment pas su s'arrêter. Et la personne qui a surenchéri c'est éclaté en excuses en DM. Elle a dit que c'était complètement con, qu'il aurait dû réfléchir. Tu vois ? Donc c'est bien un problème de maths. Spécifiquement, le fait de pas s'excuser et d'essayer de nous gaslight là, et de faire des menaces de suicide. Putain. Mais c'est Matt là. Tu fais chier. C'est pas. C'est trop... J'ai pris un bain pour me détendre, ok. ça, c'était avant que tu reviennes me parler. Eh, j'ai une idée, les copains. Ouais. Viens, on commence. Je savais que t'allais dire ça. Bah, vas-y. C'est quand vous voulez. C'est toi qui dois présenter la série. Moi, ça s'enregistre, depuis une demi-heure là. C'est ton. C'est vrai? Bah oui, bien sûr. Vas-y, mais garde, ça va être. Mais bien sûr, j'ai gardé Adrien qui veut un zizi dans la bouche. Ça, c'est génial. C'est zizi de Joël Jordan, c'est bon, avec tout le monde veut zizi. C'est trop bien. Moi, je veux ça pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bon bêtisier comme ça. Faut faire ça à chaque fois, en fait. Oh putain, bien merde, sûr. On va nous entendre parler mal des autres podcasts encore. Et de maths. Non, je couperai la partie sur les podcasts. Et pas la partie sur maths. Non, je la mettrai au tout début, comme ça tout le monde l'entendra. ouais, Adrien, c'est ton émission quand même, c'est toi qui sais. Ah, ni toi, c'est toi qui voulais la faire celle-ci. Hein. J'ai demandé. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je vais commencer. C'est vraiment, ça enregistre ça ou pas? Oui, ça enregistre. Ok. Préparez-vous, il va bafouiller de ouf, ça va être trop drôle. Bah, tu sais quoi, on parie, je vais pas bafouiller. Attends, je m'apprête à vaper en même temps exprès. Ok. Bah, non, fais pas le con et qu'après, c'est relou au montage. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faut qu'on en parle, un épisode un petit peu. Rapide, puisque on vient d'apprendre, ou en tout cas on vient de voir en ligne, eh bien le premier trailer de la série Obi-Wan Kenobi. Du coup, je suis aujourd'hui accompagné de Grushkov. Salut Grushkov. Salut Obi-Wan Kenobi. Je sais pas ce que tu fais. C'est pas grave, bonjour. Oh la vache, ça commence très très bien cette émission. Mais je suis également accompagné de Maddie. Coucou Maddie. Coucou Adrien, ça va? Et toi? Ça va très bien. Eh ben super. Et pas des moindres, Ika qui est là avec nous également pour parler du trailer et débriefer. Coucou Ika. Salut. Du coup, surtout si vous avez pas encore vu le trailer qui est sorti donc le mercredi 9 mars 2022, eh bien, je vous invite à le faire tout simplement. On va peut-être commencer par faire un tour de table. Ika, qu'as-tu pensé de ce trailer où eh bien, on voit tout simplement Obi-Wan Kenobi. Et puis, ouais, attends, je vais te dire à chaque fois comme ça, c'est décidé. Et puis donc, d'autres personnages. On va peut-être... je peux recommencer ou pas? Ah, je peux pas bafouiller. Il a bafouillé. Non, putain, il attendait que ça. Je vais recommencer. Ok, attends. Vas-y. Attends quoi? Non, tout va bien. Vas-y, tu peux y aller. Non, mais dis-moi si hein, au montage ça va pas parce que. Mais si, ça va très bien. T'inquiète pas, tu peux y aller. Promis. Oh, j'ai très peur. J'ai pas des secrets comme ça. Je t'entends sourire, Erika. Ça enregistrait pas du tout en fait. Si si. Ika. Oui. Dis-moi ce qui va pas vraiment, je t'en supplie. Rien, j'ai juste vapé avant que tu débutes. Ah d'accord. D'accord. Arrête de stresser pour rien. Je suis désolé. Ouais, mais tu donnais l'impression que c'était important. Bah oui. Ça l'était pour moi. Ok. Avant de faire un tour de table, je vous propose, les amis, de débriefer tout simplement eh ben, ce qui se trouve dans ce trailer. Donc, ce trailer, je vais le mettre sous mes yeux de suite. On y voit donc un Obi-Wan un peu vieilli qui se trouve a priori sur Tatooine. On est d'accord, hein, jusqu'ici, je dis pas de bêtises. Jusqu'ici, non, ça va. Ça va. On voit donc dans ce trailer différents personnages hein, tels que au hasard, Owen et Beru Lars, mais également un bébé Luke Skywalker qui a l'air d'être complètement con, hein. Vraiment, on peut pas... Est-ce qu'on est étonné? Mais je suis désolé, mais... Adrien, il a 9 ans. Adrien, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un enfant? Est-ce que moi, à 9 ans, je faisais genre, j'étais dans un vaisseau spatial? Bah, moi, oui, en tout cas. Ah non, vous, moi aussi, en fait. Putain, il est teubé cet enfant. Non, c'est moi, juste un enfant qui joue, qu'est-ce qu'il fait? Je n'oublie jamais l'occasion de taper sur Luke, moi. C'est... Mais ouais, c'est ça, il s'appelle Luke, alors du coup, il a l'air con, c'est tout, c'est comme ça. Putain, mais quelle conne celle-là avec son casque de pilote là dans le désert. Elle a même pas un vrai vaisseau, et en fait, c'est Rey dans l'épisode 7. Putain. Ouais. Je déteste les gosses, même quand ils ont 18 ans. Elle n'a 19 ans, quand même. Oui. Non si. Si. Je vais la refaire par rapport à ça. Niquez-moi, mais parce que vous me coupez aussi. On te coupe. Mais t'as vu ce que tu racontes? Allez. Du coup, dans ce trailer, on voit plusieurs personnages. On voit Owen... Et Beru Lars, on voit le petit Luke Skywalker qui eh bien, joue dehors. Qui voit-on d'autre, les amis? Bah tiens, Ika, je te laisse annoncer quels autres personnages on voit. Eh bien, on voit Owen, effectivement, qu'on voit dehors. Et dans tout le trailer, tu veux dire? Ouais, les autres les personnages qu'on voit dans le trailer, quoi. Ah oui. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé parce que je retiens jamais les noms des personnages, mais au niveau des inquisiteurs, on voit beaucoup de noms quand même. On voit le grand inquisiteur déjà lui-même. Ouais. Qui n'est pas joué par Lucius Malfoy. Effectivement. Oui, après, oui. C'est la grande déception de lui avec ce truc, c'est que c'est pas Lucius. Mais tant pis, écoute, c'est pas grave. On voit une nouvelle inquisitrice. Voilà, qui s'appelle Reva. Exactement. Qui moi, me trouve... Ben, je la trouve ultra stylée. Elle est jouée par une actrice qui jouait dans The Queen's Gambit. Que je vous conseille. C'est une série assez cool qui est disponible sur Netflix. Ah, c'est sa pote de l'internat? C'est ça, ça s'appelle de l'internat. C'est Moses Ingram, elle s'appelle cette actrice. Et voilà, je trouve qu'elle est très douée et je trouve que son personnage dégage un truc assez intéressant. Et donc, elle va jouer la Third Sister, donc la troisième sœur. Une inquisitrice, a priori. Hein. Bon, on voit également un autre inquisiteur, qu'on a vu dans Rebels, hein, c'est ça, Ika? Oui. Donc voilà, ça va être, je pense, assez sympa à voir. Au niveau des différents lieux, des différentes locations qu'on voit dans le trailer, Maddy, qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus? Alors, on voit Tatooine, évidemment. Que serait Ben Kenobi sans Tatooine? C'est vrai. Et on voit également une ville, enfin une planète, enfin visiblement... Ah, ton micro, vas-y, ton micro. Ah merde! C'est ma couette qui gêne. T'es en train de le manger. C'est exactement ce que j'allais dire, arrête de manger ton micro. Faut que tu recommences du coup. Que... On parle pas la bouche pleine. Qu'est-ce que je disais? Bah, j'ai oublié. Bah, et des différentes localisations. Ah oui. Et on a également une planète qui ressemble à Coruscant, avec des néons et des graffitis, et ça devrait être très chouette. Yeah. D'ailleurs, sur cette planète-là, on voit le cinquième frère, celui avec un casque qu'on reconnaît vachement bien, avec des inspirations vraiment de l'ère Nindo et tout ça, des ères médiévales japonaises. Et il n'a pas du tout la même tronche. Il change de tronche à chaque média, ce personnage. C'est vrai, ouais. Ce qui n'est pas très gênant tant qu'on le reconnaît, mais... Oui, c'est ça, ouais, en soi. Dans les comics, c'est pareil, hein, il a un visage très différent de ce qu'on connaissait dans Rebels, et que c'est même différent de là, quoi. D'accord, bah, j'ai pas fait attention, tu vois, à ça. Grushkov, je laisse voilà, la partie musicale pour toi. Musicalement, on entend pas mal de choses. Ouais, c'est pas très bien incorporé, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, donc ça commence par, évidemment, une version plus calme, mais du duel entre, enfin Battle of the Heroes, le duel entre Obi-Wan et Anakin, le thème de la Force, parce qu'à la base c'était le thème d'Obi-Wan, et le truc vraiment étrange, je trouve, c'est lorsque le titre, enfin Lucasfilm apparaît, on a droit, bien évidemment, à Duel of the Fates, c'est facile. C'est facile. Je vais pas dire que ça a pas sa place là, parce qu'effectivement, ça a un gros lien avec Obi-Wan aussi. Mais autant les deux autres, ça fait vraiment partie de son personnage et de là où il était resté à la fin de la prélogie, autant l'autre, bon, c'était plutôt lié à l'épisode 1, même s'il y a un bout de ça dans l'épisode 3 aussi. 2. Oui, mais dans le 3 aussi, pendant le duel avec Anakin, il y a un petit bout aussi. Ah, je me rappelle. Mais c'est surtout utilisé pendant la baston entre Yoda et l'Empereur, donc tu vois, même ça, c'est on the nose. Ouais, j'ai vu qui l'utilisait moins. Comment ? J'ai vu des fanfilms qui utilisaient moins ce thème que ce trailer, tu vois. Et pourtant, les fanfilms, ils aiment bien ce thème musical. Mais, ouais, c'est facile. Hein. C'est fait pour... Oui. C'est facile, mais ça marche quand même un peu. Ça marche, mais franchement, j'ai pas trouvé que... Pour le coup, je préfère quand ils font des vraies musiques un peu neuves, un peu différentes pour les trailers. Là, bon, bah voilà, on te ressort juste telle quelle la musique que tu connais. Bah, voilà. Est-ce que vous pensez que Obi-Wan va avoir son propre thème, sachant que son thème était un petit peu absorbé dans les films? Justement, j'allais dire par rapport à ça, moi ce qui m'a vraiment... Voilà. Attrapé, c'est que, comme je disais, ils n'ont pas utilisé que celle-là et le thème de la Force, ils ont aussi utilisé Battle of the Heroes, et je me demande si, justement, ils ne vont pas transformer ça en thème du Obi-Wan qui fait face à tous ces traumas par rapport à Anakin. Tous ces démons, d'ailleurs, Anakin qui, a priori, va revenir, ou en tout cas Dark Vador va revenir. Bah, on a vu... Voilà, aujourd'hui, ils ont posté une image officielle hein, de Dark Vador. Il a l'air d'être dans la même salle que sa salle de Bacta dans Rogue One. Mais là, il est en full costume. Ouais. Et puis, bah, il est toujours interprété par le retour de Hayden Christensen. En tant qu'Anakin / Darth Vader. Rapidement, les amis, il est l'heure du tour de table. On va essayer de rapidement dire ce qu'on a pensé du film, du trailer, pardon, ou là, ça va pas du tout. Du trailer. Et donc, Grushkov, à toi l'honneur. Qu'as-tu pensé de ce trailer ? J'étais un peu étonné. Enfin, la première partie, voilà, ça se passe sur Tatooine. On voit Obi-Wan qui est un peu sur Tatooine, quoi, avec son EOP. Hein, le retour au lieu de la créature dégueulasse de la fin du 9 qui observe Luke et tout, enfin normal quoi. Mais par contre j'ai été assez étonné, même si on s'y attendait, il va aller sur d'autres planètes. Et en fait je suis un peu étonné de la direction que ça prend, de voir des personnages, des inquisiteurs pour de vrai, et pas que des nouveaux, mais aussi des inquisiteurs qui viennent tout droit de Rebels. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille autant du côté action, mais en même temps, il y a peut-être de bonnes raisons. Vu qu'on voit une inquisitrice sur Tatooine, peut-être que Obi-Wan va se laisser prendre exprès pour... ou en tout cas, va attirer l'attention et s'enfuir pour sauver, en fait... La couverture de Luke, tout simplement. Après, je sais pas si une couverture, c'est pas un peu trop sur Tatooine, genre un drap, ça suffit, il fait chaud quand même, c'est le désert, tu vois. Ça, faut couper au montage. Ouais, ça, je sais. Donc voilà. Et puis... Il y a des couleurs, j'aime bien quand il y a des couleurs dans Star Wars, c'est cool. Je croyais que ça existait plus que dans Batman, parce que en ce moment, les grosses productions, elles utilisent des couleurs assez rarement. La dernière fois qu'il y en a eu dans Star Wars, c'était avec les Vespa, là, et on sait tous comment les gens, ça les a fait tiquer. Voilà. Mais là, tu vois, là, c'est une planète très colorée. Et ça, c'est cool. Et il y a le truc de la tête de l'inquisiteur. Je trouve ça bof, mais je pense qu'on en parle un peu trop, parce qu'il y a d'autres problèmes par rapport à Disney qui sont plus importants que ça en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu un peu, pour expliquer un petit peu aux gens, Grand Inquisitor, vous l'avez vu dans Rebels, c'est un Padawan. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont gueulé contre son design. Qu'on voit dans le trailer. Est-ce que c'est un design qui marche bien ? Pas spécialement, mais on s'en bat un peu les couilles, hein, on verrait. C'est pas le design un peu foiré. T'as dit quoi, Amadi ? Je disais, c'est pas le premier design un peu caca qu'on a dans les séries live action. Bah, c'est ça, ne serait-ce que. Ahsoka, que je trouve ignoble, mais rien ne marche dans ce personnage-là récemment. Que ce soit son design, ses fringues, l'actrice surtout, qui putain de merde. On va pas en revenir là, mais voilà. Bon, ils ratent leur design. Tant que le storytelling est là, moi, ça me va. Hein. Maddy. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as pensé de ce trailer rapidement ? Alors, bah, comme toi, j'ai été plutôt appâtée par les photos d'Entertainment Weekly par le trailer. Je trouvais que dans le trailer, il y avait quand même beaucoup trop de fanservice. Alors après, c'est un peu le but d'un trailer, hein, c'est d'appâter le chaland, mais... j'étais très contente de revoir Ewan McGregor quand même. Bah oui. Mais je crois que je suis plus contente de revoir Ewan McGregor dans Star Wars que de revoir enfin, Obi-Wan à proprement parler. C'est intéressant ça comme point de vue. Ok, ok. Bah, je te remercie. Ika, à ton tour, qu'as-tu pensé de ce trailer ? Je suis plutôt d'accord avec à la fois ce qu'a dit Grush, à la fois ce qu'a dit Maddy. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai plutôt été apporté par les photos qui ont été publiées avant le trailer. Et malgré tout, il faut savoir que moi, j'avais aucune hype pour la série avant ça. Les Jedi, c'est pas forcément ce que je préfère dans Star Wars, et Obi-Wan. Par contre, Obi-Wan, c'est l'un de mes personnages préférés, et c'est vraiment le personnage sage que je kiffe. En plus, c'est Ewan McGregor, bien sûr. Et voilà, c'était forcément quelque chose qui a attiré ma curiosité, mais j'avais pas trop de hype. Et en fait, moi, je suis typiquement le genre de personne sur qui les musiques, c'était ultra cheesy d'utiliser ces musiques-là, et c'est, le trailer était ultra fan service, mais finalement. Ça m'a un peu hypé quand même, et j'étais très surpris de la direction prise par que semble prendre l'histoire. Effectivement, il a l'air de s'éloigner de Tatooine. Il y a les 15 inquisiteurs, des inquisiteurs qu'on connaît. On voit la base des inquisiteurs telle qu'elle est dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Ils ont récupéré ça. Et c'est en fait, j'étais tellement surpris en bien que ça m'a un petit peu hypé, alors que, parce que j'en attendais rien quelque part. Et c'est cool, moi je voulais juste revoir Ewan en fait, c'était tout ce que j'attendais de la série, c'était de revoir Ewan McGregor, et je pensais que ça serait un truc assez calme, ce qui reste sur Tatooine, et en fait du coup la direction prise me surprend plutôt en bien. Et au final j'ai plutôt hâte d'y être, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait, et puis j'ai vraiment hâte de voir le boulot de la réalisatrice aussi sur la série quoi. On le rappelle, voilà. Hein, c'est une série qui est entièrement réalisée par Deborah Chow, hein, qui avait réalisé l'épisode 3 et l'épisode 7 de la saison 1 de The Mandalorian. Petite info bonus supplémentaire, mais a priori, la rumeur voudrait qu'il y ait déjà une saison 2 en discussion, hélas. Ouais, parce que c'est une série qui a été teasée en tant que limited série, hein, en gros, une seule saison. A priori, peut-être pas, on verra bien, mais... Mais voilà, j'aurais aimé que ça ne s'éternise pas trop non plus, quoi. Ouais. Il continue de marquer Limited Series partout. Hein. Là, oui, dans le temps, tous les tweets, dans le trailer, et ouais, tout, il y a marqué Limited Series. Absolument. On verra partout. Bien. Mais, Star Wars Limited Saga. Et on a combien d'épisodes ? 9 ? 8 ? 10, si tu comptes. 6, normalement. Ok. Du coup, à mon tour de vous dire un peu ce que j'ai pensé de ce trailer, bah, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi peu hypé par un trailer Star Wars. Même Boba Fett, j'étais carrément à fond. Là, bah, ça m'a pas beaucoup apporté. Et par contre, voilà, vraiment, moi je suis déjà in love de la troisième sœur. Interprété par Moses Ingram, hein, qui donc joue le rôle de Reva, elle s'appelle. Et moi, j'annonce, je suis sûr à 100% que elle aura une rédemption. Ça se voit, elle aura une rédemption. J'en suis sûr et certain, parce que à plusieurs moments, on la voit, elle sait pas trop quoi faire et tout. Je suis sûr qu'elle va se rendre compte que c'est des méchants et qu'elle va avoir une rédemption. Après, est-ce qu'ils vont faire ça bien ou pas ? On verra bien. Mais en tout cas, c'est je vais regarder, j'ai hâte parce que c'est Star Wars. Mais en vérité, oui, je suis content de revoir Ewan McGregor, mais au-delà de ça, c'est cool. Cool. Je vais conclure du coup, les quoi. Abed. Cool, cool, cool. La longue descente aux enfers du trailer d'Obi-Wan. C'est sympa, bon bah ça va sortir, cool. Bah ouais, je pour le coup vraiment j'ai pas de ça je pense vraiment... que c'est une discussion à avoir aussi par rapport à l'état de Star Wars et de Disney en ce moment. Ouais. Est-ce qu'on en parle maintenant ou pas? Peut-être pas pour le faut qu'on en parle, ouais. Je pense que peut-être qu'il faut qu'on en fasse un vrai épisode ou un tweet ou un truc qui reste quoi, ouais. Ou un truc qui a pas. Bon, du coup, je vais conclure. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode de Faut qu'on en parle, où on a fait la review rapide hein, du premier trailer d'Obi-Wan Kenobi. La série est disponible stop, le 25 stop, stop, mai. Il faut que tu recommences. Il y a eu un bruit chez Gruch et ça s'est passé totalement au-dessus de ta voix et tout. Okay. C'est pas possible, j'étais en mute. Ouais, ah, alors c'était peut-être même... chez Maddy alors. C'est peut-être ouais. Chez moi, j'ai essayé... Alors, ça bouge chez moi et du coup j'ai essayé de cacher le micro mais ça... Ça a fait du bruit. Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais comme je l'ai capté, quelqu'un je pense passe ça. Dans le fond, m'a dit jette le micro. Allez, je coupe le micro du coup. Vas-y, Adrien, c'est bon. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cette rapide review de, eh bien, du premier trailer de la série Obi-Wan Kenobi. Hein. La série sera disponible le 25 mai sur Disney+. Merci à toi, Ika, d'avoir été là, présent au rendez-vous. Mais de rien, toujours un plaisir. Merci également à Maddy. Merci, Maddy. Merci à toi, Mia. Et merci au grand, au magnifique, au, à l'incroyable Rushkov. Si ça, je sais, merci. Enfin, je suis là tous les samedis soirs. Bisous. Okay. J'adore mes fans. Super. sur ce, à bientôt et bye. Bah salut. Ah salut. Mais dites vraiment au revoir s'il vous plaît, merde. Salut. Salut. Au revoir, merde. Attends, on n'a pas entendu Maddy. Non, je disais Obi-Wan. Ok, d'accord. Je vais garder ça. On n'a pas le choix, il faut garder ça. À tout le temps, le... c'est bon de dire au revoir et le magistrat Obi-Wan. En plus, je suis sûr que tu imitais Dex. Oui. Voilà. Not fucking Obi-Wan Kenobi. Oui. Que ah, j'ai envie de commencer l'épisode comme ça, tiens. That's fucking Obi-Wan Kenobi. Bon, bah... J'ai une question. Les inquisiteurs et les inquisitrices, les sœurs et mm-hmm. frères de l'inquisition, c'est tous... Enfin, c'est sans faute, c'est toujours tous des anciens Jedi. Ouais. Ok. Ou Padawan. Ou Padawan, oui, mais enfin, ils étaient dans l'ordre Ou Jedi. Ou gardien du temple. Ouais. Ouais, ouais. Dans l'ordre Jedi. Ouais. Ok. Non, mais je me pose la question. Parce que c'est un gardien du temple, hein, Grand Inquisitor. Ouais. Ouais. Ouais. Une petite merde. Ah, ça. Est-ce que, Grushkov, tu veux bien me... Si, je veux pas t'emmerder avec le montage. Est-ce que tu veux bien me faire, tu sais, l'espèce de clair le son, si ça te dérange pas? Bah, Ika, tu peux m'envoyer le son si tu veux. Ok, je t'envoie tout ça. Merci bien. Pour l'instant, ça enregistre bon, toujours. Je vais aller faire un pipi. Je vous fais des bisous. Des bisous, Adrien. Par contre, qu'est-ce qu'il a l'air derp quand même avec sa tête. J'ai dit que c'était pas si embêtant que ça, mais en vrai, il a quand même l'air con. Ouais, il a l'air très très con. Hein. Ouais, vraiment. Alors, ça, dans le montage, faut le mettre au niveau de Luc. Toute cette partie-là. Non mais alors moi ouais, vraiment, mais alors Luc vraiment là déjà de base c'était sûrement le personnage de trilogie originale que j'aimais le moins. Mais alors là, mais depuis Mandalorian, non depuis Boba Fett, c'est personnel. Oui mais là c'est un enfant, Adrien, c'est un enfant. Mais j'en ai rien à foutre. T'as vu comment il traite les enfants? Je crois que lui il en a rien à foutre des enfants. Justement, peut-être que s'il avait été mieux traité, il traiterait mieux les enfants. Ouais, Adrien, bah, Adrien, il est pour aller tuer Thanos quand il est enfant. Non, pas enfant, bébé. C'est plus facile. C'est plus simple. Enfant, il a déjà beaucoup trop de force. Terrible, Adrien, terrible. Non, j'allais dire que je te verrais plus jamais pareil, mais je savais déjà qui tu étais. La pire personne. Non. Vous savez quoi? Mieux. Je deviens pote avec Thanos enfant. Je fais en sorte qu'il devienne gentil et je lui monte la tête pour qu'il aille tuer Star-Lord. mais que Star-Lord. Il récupère toutes les pierres de machin sans tuer personne, mais juste pour tuer Star-Lord. Mais non, parce que sa planète, elle va quand même dépérir et donc il va quand même partir en couille. Ah oh bah ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Bah ouais, mais du coup... on a chacun nos problèmes. Pardon, j'étais ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le moins violent, c'est peut-être que t'ailles dans le passé avant qu'il naisse. Et que t'empêches ses parents de se rencontrer à la rigueur. Ah, que je ken sa mère. Alors, je sais pas ce que j'ai dit. Quoi, sa mère? Je ken la mère de ta mère. Vraiment la pire personne du monde. T'es irrécupérable, Adrien. Allez, je ken la mère de Thanos. Bon, j'arrête l'enregistrement. C'est officiel.